binajitenga. Elle a accroché Joseph. Na ule mwanamke alimwambia, même si tu as fui, hata kama unakimbia, je vais te tuer. Mimi nitakuua tu. Il y a des gens, hein? Pour rien. Bila sabab. Pour rien. Bila kosa. Bon, bien sûr, c'est difficile de vérifier. Là, il n'y avait que Dieu, pale, il y a quoi, ya kosa, Satan, ya Joseph, Shetani, et la femme de Potiphar. Yusufu, na muke wa Potiphar. Dieu est resté calme. Tu souffres aujourd'hui. Kama leo kuna teseka, à cause d'une fausse histoire inventée sur toi. Kwa ajili ya mambo ya bongo walifanya balitunga juu yako. Reste calme. Wei kala paka kimya. Reste calme. Bakia tu kimya. Reste calme. Bakia kimya. Oh, des histoires comme ça. Mambo ya hivi. J'aime comment elle se termine. Mina ipendaka vile inaanzaka na vile inamalizika. Genèse 50 nous dit. Nasema hivi. Vous avez médité de me faire du mal. Mulifikiria kunifanyia mabaya. Le Seigneur a transformé ce mal en bien. Bwana anageuza ile mabaya kuwa mema. Reste calme. Bakia tu kimya. Le mal là. Ile mabaya, il y a un transfert. Kuko kintu itageuza. Il y a un transfert. Kuko kintu itabadilisha. L'Éternel des armées. Wa milele Mungu wa majeshi. Et nous qui cherchons du mal aux gens sans preuve pour rien. Na sisi tunapenda kufanisha watu vibaya bila kuwa na sheria. N'oublions pas. Tous si savent que si tu veux du mal à quelqu'un sans preuve, ou kutendia mutu mabaya bila kosa, et je le dis dans la maison de Dieu, na naisema ndani ya nyumba ya Mungu, je le déclare, naisema tu leo, si tu cherches du mal à quelqu'un sans preuve, unatafutia mutu mabaya bila kosa na bionyesha, la tôt ou tard, ule mutu hata masiku ya mbele régnera sur toi. Et il aura les décisions de ta vie. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Mais comme Dieu nous donne des cœurs, pardonnez seulement. Et les personnes elles-mêmes seront confondues. C'est ça l'Éternel. Donc, le péché bien-aimé, si Joseph, comme tout Youssouf, avait commis ce péché-là, il ne serait pas en prison. Et il ne serait pas premier ministre. Il y a un chemin que Dieu te réserve. Ce chemin passe aussi par la victoire sur le péché. Alléluia. Amen. Joseph a réussi. Yusufu aliweza. Il a fui. Mais David, sasa Daudi, quand il devait parler des deux au même moment, devant la femme du riz, mbele ya muke wa Uria, elle s'appelait comment? Jina yake ilikuwa nani? Elle s'appelait comment, Micheline? Bibi wa Uria. Elle s'appelait comment, mes enfants de l'Écodime? Wa wa wa. Bibi wa Uria, jina yake ilikuwa nani? Elle s'appelait comment? Hey. Non, je posais la question là-bas. Attends. Eh, Ekodim, JPC. Ok. Donc, David devant Bathsheba. Daoudi mbele huyu mwanamke Bathsheba a failli. Alianguka. L'un a réussi. Moya aliweza. L'autre a failli. Mwingine alishindwa. Mais pour revenir, kwa kuweza kurudia tena, Nathan lui a dit. Nathan alimwambia, repent-toi. Basi utubu tu. Et David a dit, na Daudi alisema, que Dieu pardonne. Mungu basi anisamehe. Alors je parle du péché. Nasema kuhusu zambi. Donc il y a deux choses. Kuko vitu mbili. La première chose. Kitu ya kwanza. Éloigne-toi. Ujitenge. La deuxième chose. Kitu ya pili. Si tu es tombé dedans. Kama unaanguka ndani. Repent-toi. Utubu basi. Fermons nos yeux. Tufunike macho yetu. Fermons nos yeux. Oh bien-aimé, j'ai parlé brièvement de quatre choses. Des quatre ennemis à vaincre aujourd'hui. Pour ne pas bloquer ton héritage. Le premier ennemi de la vie. Ce sont des choses et des hommes qui veulent te retourner en arrière. Aujourd'hui, je les déclare. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne retourneras plus en arrière. Tu ne retourneras plus en arrière. La Bible me dit. dans Esaïe. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Au nom de Jésus, que les mauvais événements passés ne reviennent plus dans ta vie. Le désert ne va plus revenir dans ta vie. La maison de ton père ne va plus revenir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième chose, le deuxième ennemi, tu vas les vaincre. C'est les ennemis qui veulent te rendre esclave. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu ne seras plus esclave. Dieu va te délivrer de l'esclavage, des hommes, de la sorcellerie, de tout ce qui t'entoure. Au nom de Jésus, le troisième ennemi, ce sont les hommes, les puissants qui veulent t'éloigner de ton héritage, de ta destinée. Mais ce matin, le Seigneur est là. Même s'ils sont puissants, Dieu seul te protégera et t'amènera dans ton héritage. Et le quatrième ennemi, c'est le péché. Si tu as péché, répands-toi, demande pardon à Dieu. Mais le péché, il faut le fuir. Voilà les quatre ennemis. Donc Dieu nous a dit de parler ce matin. Nous allons continuer en semaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu pries que la main de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur toi. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, tu as affaire à quel ennemi? Tu as affaire à quel ennemi ce matin? Est-ce qu'un ennemi qui veut te tirer en arrière? Tu as affaire à quel ennemi dans ta vie? Alléluia. Est-ce qu'il veut te rendre esclave ce matin? Tu as affaire à quel ennemi? Est-ce que c'est un géant dans ta vie? Tu as affaire à quel ennemi? Est-ce que c'est un puissant dans ta vie? Tu as affaire à quel ennemi? Est-ce que c'est le péché dans ta vie? Oh, alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Oh, merci. Oh, merci, Seigneur. Merci, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Santé, yes. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Santé, yes. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Santé, buona. Je me reconnais, tiens debout. Nous sommes en prière. Bien-aimés, sois concentrés. Avant de commencer, nous avons lu dans Jean que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et cette parole était Dieu. Elle est Dieu. La solution face à tous ses ennemis, c'est Jésus-Christ. Oh bien-aimé, c'est Jésus-Christ. On a vu Saül puissant. Ça s'est arrêté un jour. Et David qui était faible, il a pris la place. On a vu Goliath géant. Il est tombé un jour. On a vu Ruben et Eliab. David et Joseph les ont supplantés. Mais si tu es là ce matin, décide-toi de donner de la vie au Seigneur. Que rien ne t'empêche de donner ta vie au Seigneur. Rien. Tout ce que tu vois des yeux, ça a une fin. Il y a un Dieu. J'aimerais que tu pries toi-même pour ton cœur. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. J'aimerais que toi-même tu dis: Seigneur, maintenant, je me décide de donner ma vie au Seigneur. Je décide de donner ma vie au Seigneur. De marcher avec le Seigneur dans tous les domaines de ma vie. Élève d'abord commence à prier. Avant que je ne fasse l'appel, prie d'abord pour toi-même. Prie pour toi-même. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Prie. Ande komba. Au nom de Jésus. Ande kujombea. Alléluia. Alléluia. Seigneur, mon cœur. Mon cœur a besoin de toi. Alléluia. Mon cœur a besoin de toi, Seigneur. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi, Seigneur. Le temps est arrivé. Tout passera. Sauf ta parole. Sauf ta parole. C'est pourquoi ce matin, je me tiens devant toi, Seigneur. Je me tiens devant ta face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, le Seigneur est là. Il veut ton cœur. Alléluia. Il veut ton cœur. Des grandes décisions. C'est le temps des grandes décisions. C'est le temps des grandes décisions. Alléluia. Oh merci Seigneur. Oh, il est là. Il a besoin de ton cœur ce matin. Il a besoin de ton cœur. Oh, il est là. Il te veut, toi. Les hommes t'ont éloigné. Les hommes t'ont abandonné. Alléluia. Et le Seigneur est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là, Seigneur. Le Seigneur est là. Il est là, le Seigneur. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Oh bien, mais tu es là ce matin. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, lève ta main là où tu es. Je vais t'aider à prendre cette meilleure décision de la vie. Devenir enfant de Dieu. Il te délivre de tout esclavage. Si tu es là ce matin, lève seulement ta main là où tu es. Nous allons prier ensemble. Et Dieu va t'aider ce matin. Qui sera la première personne à lever sa main? Qui sera la première personne à lever sa main? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que tu sois là. C'était pour toi qu'il a dit ça. Il y a quatre ennemis qui bloquent ta destinée. Il y a quatre ennemis qui veulent bloquer ta vie. Mais le Seigneur est là ce matin. Il est là. Lève ta main. Nous allons prier ensemble avec toi. Merci bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour la bonne décision. Oh, je suis dans la guerre. Qui d'autre? C'est la meilleure décision de la vie. Lève ta main bien-aimé, que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Deuxième appel. Mwito ya pili. Tu veux que Dieu te pardonne. Ce n'est pas important. Les yeux des hommes, bien-aimés. Ces mêmes hommes t'applaudissent aujourd'hui. Demain, ce n'est pas t'applaudir. Si tu prends la décision ce matin de demander pardon à Dieu ou d'abandonner, où tu sens que sur ta vie il y a une pression du péché, lève aussi ta main. Nous allons prier pour toi. Merci, que Dieu Alléluia. Vous bénisse. Asante, asante. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ces pressions l'avant du Dieu. Merci. Il est kusonga kote akutafanya kitu. Dieu vous voit. Levez ce Mungu la main. Mungu anabiona mikono yenu. Je vais prier pour vous. Tawaombea. Je vais prier pour vous. Tawaombea. Je vais prier pour vous. Hakika tawaombea. La pression c'est une force. Kusongo nayo ilikuwa ni nguvu. Non, c'est une force. Qui ne vient pas de Dieu qui te pousse. Aitoke kwa Mungu kuna kusukuma. Aujourd'hui. Leo leo. Le Seigneur va t'en délivrer. Bwana atakuokoa. Troisième appel. Mwito yetu ya tatu. Tu es là dans ta vie. Uko hapa maisha yako. Tu es esclave. Uko mutumwa. Esclave de quelque chose. Mutumwa ya kitu moya fulani. Tu vis dans une famille où tu réalises que non, non, mon famille, nous sommes esclaves. Il y a des maladies qui ne vous lâchent pas. Il y a des problèmes qui font qu'un cycle. Un des signes, c'est des choses qui reviennent chaque période. Lève aussi ta main, nous allons prier pour toi. C'est le jour de la délivrance aujourd'hui. C'est le jour de la délivrance. S'il y a des géants, ou bien des puissants qui t'empêchent dans la vie, lève aussi la main. C'est un signe de foi. De dire Mungu ni wei. Pour dire que c'est toi Dieu seul. Même Moïse a levé les mains. Et c'est comme ça qu'ils ont vaincu Amalek. Lève aussi ta main. Pour montrer à Dieu. C'est ma foi. Je te laisse ce problème. Oh, hallelujah. Père. Baba, au nom de Jésus, tu as vu la foi de quelqu'un. Je me rappelle dans ta parole. Tu as dit, voyons leur foi. Tu as dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Ce matin, tu as vu la foi du frère, de la soeur. C'est pourquoi je prie qu'il soit pardonné. Je prie que les géants tombent. Je prie que les puissants tombent. Je prie qu'il ne rentre pas dans l'esclavage. Je prie qu'il ne recule pas dans les choses du passé. Je prie ce matin au nom de Jésus. Je viens recommander ta grâce. La grâce parle. La grâce marche. Que cette grâce marche en leur direction. Je le recommande entre tes mains. Je le bénis ce matin. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Est-ce que toute l'église peut se tenir debout et acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame le Seigneur. Acclame-le très fort. Et nous allons louer le Seigneur pour les offrandes. Acclame-le très fort. Gloire au Seigneur. Mulami mwimpe Yesu ajinanga Mulami mwimpe si wewe Yesu Mulami mwimpe Yesu ajinanga Mulami mwimpe Et devant son rapide et à Bobo, il a gassé, oh Yesu papa. Et l'homme, Yesu, on a ina tout et la catolo. Moula mi mi pe, si bebe. Hey, yo, yo, yo. Moula mi mi pe, yo, yo. Yesu a dina. Moula mi mi pe. Yo, yo. Yesu a dina. Moula mi mi pe. rapide ya bomoi na ngai oya sale la kibango na boloko ako sale la ngai elongo yeso ngai na tute la matolo mula mi wipe si wewe yesu zambi ya pierre na boloko asali pe zambe na ngai oya sale la kibango na boloko ako sale la ngai elongo yeso ngai na tute la matolo mula mi wipe si wewe hey, yo yo yo Abilokota Yesuwe Senga abilokota Abilokota Yesuwe Yo yo yo Yo yo yo Yo yo yo Yo yo yo Yo yo yo Yo yo yo Yo yo yo Oh tatuani Zambiwani Ukolewa wa misuma Oh le le le le Le le le Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour notre Dieu? En même temps, nous bénissons ces offrandes dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous sommes arrivés au moment de l'accueil des visiteurs. Si c'est votre première fois de prier avec nous ensemble à la source féconde, vous pouvez juste agiter la main. De là où vous êtes, nous allons vous saluer. Il y a beaucoup de bien-aimés qui sont là. Est-ce qu'on peut les accueillir dans la maison de Dieu? Alléluia. Je m'excuse de prendre le micro. Je voulais qu'on accueille ceux qui sont venus parce qu'ils ont été gagnés par le travail des évangélistes qui sont là ce matin. C'est votre première fois. Levez la main. Levez la main. Mettez-vous debout. Est-ce que vous pouvez vous lever? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Venez, on va vous accueillir. Venez ici devant. Est-ce que vous pouvez venir devant? S'il vous plaît, mes amis, venez. Venez devant, nous voulons vous recevoir correctement dans la maison. N'aie pas honte. Les choristes, jouez quelque chose. Venez, pendant qu'ils approchent, on attend. Est-ce qu'on peut les encourager? On peut acclamer le Seigneur pour eux. Laissez-les venir. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Venez. Oui, je t'aime. Venez ici devant. Venez ici devant. Les autres aussi peuvent venir. Venez, montez jusqu'ici. Venez, mes amis. Venez, nous voulons vous voir. Montez. Montez devant. Nous bénissons le Seigneur pour ce travail. Montez vraiment devant. Il y a de la place, aide les gens. Alléluia. Vous êtes dans la maison de votre Dieu. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Venez chaque fois à l'église. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes l'après-midi à JPC. À 15h30. Venez toujours dans l'église. Et Dieu va vous aider. La vie commence par des petites choses. Après, les grandes choses viennent. Jésus est né bébé. Mais après, il est devenu le Seigneur. Il est tellement monté qu'il est même parti au ciel. Donc je prie le Seigneur que ce soit aussi la même chose pour vous. Donc soyez rassurés pour notre amour. Et à la fin de ce culte, ne soyez vraiment pas pressés de partir. Nous voulons vous recevoir, nous voulons manger avec vous, parler avec vous. Nous voulons connaître là où vous vivez et que Dieu nous fera grâce. Église, est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer pour eux? On peut acclamer pour eux. Oh, gloire au Seigneur. Et acclame encore pour eux. Pika bikono. Acclame encore pour eux. Alléluia. Acclame encore pour eux. Amen. Amen. Vous voyez vous-même notre joie. Donc ne soyez pas pressés de partir. Même si vous habitez loin, attendez, nous allons vous ramener. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'ils rentrent à leur place, nous acclamons pour eux. Alors nous avons trois anniversaires ce matin. Le frère Caleb Mombete. Imra Mukanzila. Imra Mukanzila. Et Imanda. Et Amanda. Amanda. C'est ton anniversaire. C'est Amanda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? On les encourage. Peut-être qu'on n'a pas donné votre nom. Si vous aussi vous avez fêté l'anniversaire au courant de la semaine, venez. Nous aimons partager la joie. Venez, on partage la joie. Oh, maman de maman. Oh. Caribia. Venez. On continue à clamer pour les encourager. Caribia. Caribou maman. Voilà. Amen. Amen. Il faut savoir donner la joie. Alléluia. Amen. La meilleure façon de recevoir la joie dans la vie, c'est de la donner à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alors nous allons prier pour eux. Que Dieu puisse les bénir. Que l'année qui vient soit une année de grandes choses dans leur vie. Prions pour eux. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la victoire de Dieu dans ta vie l'année qui vient. Que rien ne te résiste, que la grâce de Dieu t'accompagne. Je bénis ta vie. Crois à tous égards dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que ça soit une année de faveur et de grandes choses. Une année de bénédiction. Une année de victoire. Une année de réalisation de bonté et de la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Je recommande tes enfants entre tes mains. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant qu'ils rentrent à leur place, nous acclamons le Seigneur. Amen. Je voulais remercier le Seigneur aussi pour mes enfants, tous les finalistes de l'église qui ont reçu les examens d'État. Levez les mains d'abord. Passez ici devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Et la chorale. Attends un bon mot. Maman Gloria. La chorale. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment remercier le Seigneur? Basali Binodi. On va chanter pour eux. Il y a aussi des parents. Vous savez une chose. Avant les examens d'État, nous avons prié pour que ces enfants réussissent. Les enfants ont réussi. Nous ne voulons pas être dans la joie. Non, nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Alléluia. Amen. Sauf que moi, je ne sais pas aller là-bas, moi aussi ma fille a réussi. Bon. Supposez que je suis là aussi. Je bénis le Seigneur aussi pour cela. Pour tous nos enfants qui ont réussi. Ils se sont battus pendant plusieurs années. Je suis même émerveillé. Surtout sur Kabissa. Obed, viens. Mon fils ici, oui, wangu mtoto, il a fait 80% aux examens de vie. Alléluia. Est-ce que je ne veux pas être dans la joie? Est-ce que vous ne pouvez pas chanter pour mes enfants? Ok. Un solo pour mes enfants. Alors, un solo. Patient, Jonathan, grâce. Un solo pour mes enfants. Seigneur, pour nos enfants. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la réussite de nos enfants. Ça ne s'arrête pas ici. Qu'ils continuent, qu'ils croissent dans leur vie et qu'ils fassent de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'ils rentrent à leur place. Même mes filles allaient à l'université. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je commençais ici dans l'église comme pasteur, j'étais obligé un jour de mettre une loi. Pas de diplôme, je ne bénis pas le mariage. C'était compliqué parce que j'ai vu des enfants de deuxième secondaire mariés. Ça m'avait vraiment révolté. Mais depuis lors, toutes mes filles sont à l'université, ont des diplômes et ça me fait de la joie. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu bénisse les parents. Nous avons un communiqué nécrologique. Il y a Maman Narcia, l'épouse du frère Fabrice. Fabrice. Elle habite à côté des Aiglons. Aiglons, c'est des abattoirs contre des artisans. Alors, elle est en deuil, elle a perdu son père, mais elle est partie à Kolwezi. Appelons-la, encourageons-la. Fortifions-la. Partageons la douleur avec ceux qui partagent la douleur. Alors, ne partez pas, nous allons bénir un mariage tout de suite là. Ça va nous prendre 20 minutes, 30 minutes maximum. Mais avant cela, je vais laisser la place aux évangélistes. Parce que nous avons le programme de Likasi Tador qui commence bientôt. Et aujourd'hui, nous voulons lancer ce programme. Et je ne sais pas si la technique est prête avec nous. La technique, c'est prêt. Bon, en attendant qu'on lance la technique, que la technique se prépare, j'appelle le frère Olivier. Nous l'encourageons pendant qu'il s'approche. Bien-aimé, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Lui qui a permis que nous puissions tenir devant vous. Nous avons notre campagne d'évangélisation dénommée Likasi Tador. 7e édition. Safari yetu ya saba. C'est au mois d'août. Mwezi ya munane. Le même mois. C'est pour cela que nous voulons vous encourager. Nous tous, nous puissions participer à ce travail d'évangélisation. Bien-aimés, nous avons un ordre suprême que notre Dieu nous a donné. Nous tirons ça dans les derniers livres de Matthieu, avant dernier chapitre. Mbele ya sura yake ya mwisho. Autrement dit, anasema hivi. Matthieu 28. Kitabu ya Mathayo 12:8. Verset 19. Shaili ya kusoma ya 19. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Mujina na Bwana wetu Yesu. Allez faire toute nation. Mwende mufanye mataifa yote. Des disciples. Kuwa wanafunzi. Baptisez-les. Wabatize. Au nom du Père. Jina la Baba. Et du Fils, na ya mwana, et du Saint-Esprit, na ya Roho Mtakatifu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes appelés. Hapa, tunaitwa wapendwa. D'aller faire toute nation ses disciples. Kwenda kufanya mataifa yote wanafunzi. C'est pour cela que nous voulons faire l'appel. Dieu mana, tunapenda kufanya kumwito. Toi qui veux participer avec les évangélistes. Wewe unapenda kufanya kazi pamoja na wapashaji habari njema kwenye kazi mkubwa. Qui a déjà commencé? Eh, ilisha kuanzishwa. Si vous pouvez vous mettre debout. Kama unapenda wewe usimame. Afin de vous identifier. Na upate kujitambulisha tena. Pour que nous puissions participer à ce grand travail. Ili tuzurie sisi zote pamoja kwenye kazi mkubwa. À cet ordre suprême. Oui, amri tuweza kupokea na Bwana. Que Dieu nous a donné. Et Mungu alitupatia. D'aller faire toute nation ses disciples. Ya kufanya mataifa yote iwe wanafunzi. Bien-aimé, pourriez-vous mettre debout? Wapenda kama unapenda, unaweza kusimama juu. Toi qui veux participer à ce travail d'évangélisation. Unapenda kuzuria kwa hii kazi ya mkutano kwa kupasha habari njema. Manifestez-vous. Basi pale huko basi simama tu. Mwanapenda kujiunga mukazi ya evangeliste. Oui, mon frère, que Dieu vous bénisse. Donc Mungu akubariki. Vous encore, mettez-vous debout. Simama, unyosha mkono, simama. On a besoin de vous. Simama. On a besoin que les protocoles puissent vous identifier. Tunapenda mujitambulishe kwa pour que demain amani pour que demain, les travaux qui ont déjà commencé, nous puissions faire ça ensemble avec vous. Mettez-vous debout. Si mama, on a besoin de faire papa, papa, maman, jeune. Baba, mama, kijana, on a besoin de vous. Tuna mitajia nini wote. Pour ce travail. Merci bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Pendwa Mungu, awabariki. Mettez-vous debout. Musimame, kama unapenda kufanya kazi. Ne vous gênez pas. Hapana kujizuiza. C'est un ordre suprême. Hii ni amri tulipewa kwa Bwana. Pour tous les chrétiens. Kwa ajili ya Mkristo yoyote. Que nous sommes. Kisi tuko. Mettez-vous debout. Simama tu. On vous attend. Tuna miongojea tena. On vous attend. Mujiunge kwa evangeliste. Merci, que Dieu vous bénisse. Tunasema Bwana awabariki. Et avec nos bien-aimés qui sont mis debout, si on peut se voir à la fin de notre équipe. Awanduku manasimama bwima kumwisho ibada tuonane. Que Dieu vous bénisse. Tunasema Mungu amibariki. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Ok, nous lançons vraiment le travail aujourd'hui. Léo, tu n'as pas kazi. Est-ce qu'on peut me donner les affiches qui sont là? Mioneshiako vibao. Mabicha. Et le protocole, vous pouvez venir nous aider à prendre les. Balinda amani mkaribie mtusaidie kubeba mabasha mbalimbali. Et nous voulons les distribuer. Tunapenda le grand Tukabule kila mtu ndani ya kanisa. Donnez deux ou trois. Kabule mbili wala tatu kwa mtu. Donne la fard. C'est la seule. Oui. Oui, donne la fard. OK, donc nous commençons aujourd'hui. Tanza leo. Nous vous donnez deux ou trois ou quatre ou cinq. Leta mbili, tatu wala tano kwa mtu akiomba. Que chacun puisse distribuer. Kila mtu apate kukabula. À partir d'aujourd'hui. Tangia siku za leo. Et voici l'affiche. Il est, c'est pourquoi on a pris ce qui est au tableau. Voici l'affiche. Ceux qui ont des véhicules. Balebe kuna magari. Bateilamika kule magari yao. Le 30 et le 31, nous avons campagne d'évangélisation à la gare. Le 30 et le 31, tu as encore un coup de temps de barrer Dieu, on parle pas place à gare. Nous travaillons avec Laura et pour annoncer la parole de Dieu. Dieu yako tangaza barrer Dieu ma. Alors commençons déjà à diffuser. Tunanzia kupashwa kwa habari. Et que le Seigneur nous fasse grâce pour le salut des âmes. Bwana tufanyie neema kwa ajili ya wokovu ya manafsi. Ceux qui ont des véhicules de l'église peuvent mettre leurs mains, lever la main. Vous allez coller quelque part. Patricia, viens. On passe à autre chose. Aidez Patricia. Levez la main, comme ça on vous donne quelques affiches. Nous voulons déjà, en quittant ce lieu, que le monde sache que Christ sera proclamé dans les jours qui viennent. Et nous sommes déjà en train de prier pour tout cela. Et je donne déjà le programme. Donc, demain, lundi, il n'y a pas secteur. Toutes les commissions se réunissent ici à 17h. Donc l'évangélisation, protocole, hôtesse, logistique, transport, chorale, intercession. Donc nous sommes là en train de nous préparer et de travailler. Donc nous allons travailler comme ça jusque le jour de la croisade. Mercredi, nous avons notre culte à 16h30. D'enseignement. Et vendredi, nous avons notre culte de prière. Nous voulons vraiment être là et prier pour cette manifestation. Donc à la fin, le diacre, vous allez nous aider pour coller sur nos véhicules. Pour annoncer déjà qu'il y a un événement qui arrive. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous croyons que la main de Dieu sera avec nous. Amen. Nous fermons nos yeux. Nous inclinons en prière. Pendant que la chorale se positionne maintenant, nous voulons remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Bénis ton peuple. Que ta grâce soit sur nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous vous demandons une patience de 30 minutes. Nous bénissons, nous allons bénir nos enfants, le frère Ismaël et la sœur Chati qui se marient. Ils sont déjà là pour entrer. Et nous commençons déjà le culte de mariage. C'est juste quelques instants. La chorale. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer les mariés qui sont en train de faire leur entrée? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Il peut les encourager avec les applaudissements. C'est Pela. Ce qui Monica Bali. C'est Pela. Ce qui Monica Si. C'est Pela. Je veux les méos, je veux les méos, je veux les méos. Je veux les méos, je veux les méos. Zala qui les diamants. Chérie, tu sais que j'ai un passé. Pour le bolingo, on a eu les yeux effacés. Les lots n'ont pas si bible raison. De te comparer au bonheur. N'a coûté la moto, n'a pas une auto. Zoka, jaloux, y'en zappé. Tu es ma moitié. Je suis ta voiture. Oh, tu es ma reine. Je suis ton roi. Tout ça là est sous fondation. Tu es mon soeur. Est-ce que tu peux qui commenter ça, Milolo, Milolo, Milolo? C'est un jour de joie. Est-ce que les mamans sont là? On peut encourager ce beau couple. Monica Bali, Est-ce que nous pouvons bien applaudir? Viens faire les miolo, viens faire les you-you. Je sens comme s'il n'y a pas la joie dans la salle. Est-ce qu'on peut bien les applaudir, ces deux jeunes hommes? Alléluia. Pendant ce temps, la chorale nous donne un cantique de louange. Nous louons l'Éternel pour ses bienfaits. Alléluia, Nathan Dio Colo, Amen, Amen. Nathan Dio Colo, Alléluia, Nathan Dio Colo. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Pépa, bougez. Ozoa kinga na seliba, opesa nga ilibale. Nandenge oko misinga. Ozoa kinga na zero, oko misinga ero. Nandenge oko misinga. Yesu nala nende yoko misinga. Sakua leo, mimi na chakua masia. Oh, wewe baba, chakua. Wewe mama, chakua. Leo leo, mimi na chakua masia. Oh, wewe baba, chakua. Wewe mama, chakua. Leo leo, mimi na chakua masia. Oh, chakua leo. Mikono. Nous te disons merci ce matin. C'est toujours un privilège et une grâce de voir les jeunes gens se marier normalement en obéissant à ta parole. Parce que toute parole à laquelle on a obéi engendre une grâce et une bénédiction. C'est pourquoi je prie pour ce moment que ta grâce soit au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Acclame un peu pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Pendant cette minute, je voulais parler de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. L'ennemi, un des ennemis du mariage. Il y a plusieurs ennemis, mais aujourd'hui je voulais parler d'un ennemi du mariage. Ça nous concerne nous tous et particulièrement pour nos frères et sœurs qui se marient. Et pendant quelques minutes, je voulais juste donner brièvement certaines choses. Étant donné que nous avons déjà écouté la parole de Dieu ce matin. Matthieu chapitre 12, verset 25. Matthieu chapitre 12, verset 25. Matthieu 12, 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume, retenez vraiment ça, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison, je reprends, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. Les versets que vous connaissez. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Amen. Amen. Un texte qui nous rend un peu triste. Mais qui nous donne une grande vérité. Je ne vais pas entrer en détail. C'était un dimanche. Un des grands ennemis du mariage. Un des grands ennemis du mariage. Crispin et Chati, écoutez-moi bien. Et nous tous qui sommes ici présents, parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Dieu a créé Adam et Ève. Quand Dieu les a unis, Adam se réveille. Il dit, tiens, voici cette fois-ci, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Bien que le serpent était là, Dieu n'avait jamais fait allusion au serpent. Et ce couple était heureux aussi longtemps qu'il n'avait pas rencontré le serpent. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas vraiment le serpent, c'est le principe. Beaucoup de mariages, mandowa mingi, ou bien tous les mariages, wala mandowa yote, ont un grand ennemi. Beko na adui moya mkubwa. Le conseil extérieur. Ushauri wa kutoka nje. Le conseil extérieur. Ushauri wa kutoka nje. Le jour où siku ile Madame Chati, uyu, dada Chati, tu ouvres les oreilles à l'extérieur, utafungulia bainje mashikio, la femme a vu, mwanamuke aliona, que l'arbre était bon, ya kama muti ilikuwa ya kupendeza, et capable d'ouvrir l'intelligence, na ilikuwa mukimu ya kufungula akili, le dégât est entré, tatizo ilingia pale pale, l'irréparable est arrivé, na kitu sipo kutengeneza na kitu waza kuonekana pale, Crispin. Donc, le jour où tes oreilles ne marcheront qu'avec l'extérieur, vous avez commencé à détruire votre mariage. Frères et sœurs, si vous avez déjà fait ça, fermez maintenant les oreilles. Dites à l'extérieur, restez là. Laissez-nous seuls. Si Adam n'avait pas prêté l'oreille au serpent, kama Adam akuweza kumsikia nyoka, à un système extérieur à eux, matengenezo moya nje yao, ils vivraient autre chose. Bangeliishi maneno mengine. Beaucoup de mariages. Mandoa mingi. Les gens se marient, ils sont bien. Bato wanawana, beko les gens avancent, ils sont bien. Mzuri. Quelqu'un viendra te dire. Moi, wa quelqu'un viendra te dire. Matawa kwambia. Oh bien-aimé. Pendwa. Il y en a même qui ont échoué. Bengine nao balishind. Mais qui trouvent que les vraies raisons, les arguments, ils doivent vous donner à vous pour réussir. Banaona kama koko mashauri mzuri bataleta jimwe muweze. Comment quelqu'un va te conduire à un endroit où il n'a jamais été? Ou le monde t'attaque pour faire chier les gens qui gagné? Et même s'il a déjà été à un endroit, est-ce que Dieu a dit que tu dois aller aussi au même endroit? Le problème, c'est que l'Église, nous avons perdu la capacité d'écouter Dieu. Et quand Dieu est venu, Dieu leur a dit, qui t'a dit? Quand Dieu est venu, Dieu leur a dit, qui t'a dit? Et nous qui disons les choses aux autres. Na sisi tunambiaka bengine mambo ya kwachana. C'est dans quel objectif? Fukuzio yetu ni nini? Je parle avec une sœur. Unaongea na dada moja. Une amie intime. Rafiki yangu tu. Non, c'était son amie intime. Ah, alikuwa rafiki yake moja. Elle, on l'épouse avant. Ya, aliole mbele. Elle a même des enfants. Elle s'est cousine la batote. Elle vit avec son mari. Ekunaishi na mume wake. Sa belle-mère est partie pendant longtemps. Mkoyake alienda kwa masiku mingi. Sa belle-mère est revenue à Kinshasa. Kisha mkoyake anarudia pale pa Kinshasa. Quelques temps après, son ami intime. Kisha wakati fulani rafiki yake tu. Est épousé par le petit frère de son mari, donc son beau-frère. Anaolewa na mkoyake bwana yake. 9 ans après. Kisha miaka 10 après. Miaka 10. L'autre habite Mimosa. Huyu mwe konekala ngambo ya Mimosa. L'autre habite Cité Verte. Mwingine onekala ngambo ya Cité Verte. Et qui vient voir son ami. Anaenda kutembelea rafiki yake. Tu sais, unajua dans la belle famille. Kubako yangu. On a parlé de toi. Balikusungumuzia. Tout ce temps elle vivait avec la même belle famille. Elle ne savait pas ce dont on parlait d'elle. Il n'y avait pas de problème. Et les jours son ami intime qui dit non, tu n'es plus mon ami Ndeko. A commencé à toucher son cœur. Alianza kugusa sasa moyo wake. Son cœur a commencé à changer. Na moyo wake alianza kubadilika. Changer. Kubadilika. Pourquoi? Juu ya nini? On a commencé à injecter un venin de l'extérieur. Alianza kumtupia ako kasumu ka kutoka nje. Quand les gens se marient comme ça. Wakati bantu baningia mundo wa hivi. Vous n'êtes pas là à la nuit de noces. Weye ile siku ya batendia mundo. Vous n'êtes pas là à la nuit de noces. Ile siku batengia kuchumba hauta kuya. Ils sont à deux, ils sont dans la joie. Beko bawiri tu, beko muhari ya furaha. Ils se racontent des histoires. Ils vont faire ensemble. Ils vont passer des journées ensemble. Mais dans la main. Ils s'accompagnent ensemble. Wana sungumza pamoja. Ils se font manger des choses. Beko nalishana bitu. Mais après. Kisha yake. L'extérieur perturbe. Bantu ya inje banaleta mvuruko. Chère maman. Wa mama wapenzi. Ne dérangez pas ce couple. Mushizuru cher Josie. Papa, wa baba wapenzi, ne dérangeons pas ce couple. Mushizuru Josio. Chers amis, nini warafiki wapendwa, ne dérangeons pas ce couple. Mushizuru Josio. L'extérieur ya inje a détruit beaucoup de familles. Naribisha majamana mingi. Des rencontres. On a toqué la paquet. Il vient subitement comme ça. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Mungu alisema? Chati. Dada chati. Apprends à dire non à quelqu'un qui veut te parler de ton mari. Ujifunze kukatala ule mtu atakwambia mambo ya bwana yako. À quelqu'un qui veut te parler des choses de votre mariage. Je m'appelle cette maman, m'a dit, il dit pasteur, imagine-toi, j'ai 3 enfants. Depuis le dernier accouchement, j'ai des problèmes de cœur. Ma tension n'est plus stable. Mais mon ami là, vient commencer à m'expliquer les choses dont on parle sur moi dans ma belle famille. Au début, c'était bien. Moi j'ai sursauté. Je dis, effectivement. Akika. Ça c'est pour tuer quelqu'un. Ok, si on me critique dans ma belle famille. Quand tu viens me dire. C'est pour que je fasse quoi? C'est pour que je fasse quoi? Qui me répond? Pour que je fasse quoi? Je déteste ma belle-mère. Je ne parle plus à ma belle famille. Je déteste. Et puis dis non, Oyebi, ton mari avait déjà eu un enfant. Donc voilà, c'était, il dit pasteur, on a connu maintenant les dégâts. Tout ce temps j'ai vécu comme ça avec mon mari. Wakati yote ndi shivi pamoja na mume wangu. Okay. C'est à toi vraiment de venir me dire ça. Wewe sasa. Vous comprenez? Mutaelewa. Que parfois nous détruisons les autres. Mara mingi tukunaharibisha watu wengine. Ne permets pas qu'on détruise ton cœur. Apana kuruhusu baribishe moyo wako. Garde ton cœur. Chunga moyo wako. Les amis on les choisit. Barafiki banabachakulaka. Et d'ailleurs, na tena, les nouvelles amitiés n'existent pas. Burafiki bwa sasa bikala keko. Je le dis toujours. Na isema kamara mingi. Les nouvelles amitiés n'existent pas. Burafiki bwa sasa bikala keko. Les nouvelles relations oui. Mahusiano ya sasa ndio. Mais les amitiés sont toujours des anciennes amitiés. Ni burafiki ni paka bulu bwa zamani. C'est lui qui t'a connu là là là. Lui alikufahamia ka zamani. Là. Kule zamani. Vous avez grandi. Vous avez étudié ensemble. Vous étiez en culotte ensemble. Vous avez couru dans la boue ensemble. Vrai ami. Attention. La gloire attire. Mais ils ne sont pas tes amis. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas tes amis. Quand un lion ouvre les dents, ça signifie qu'il t'aime. Non. Il veut seulement te manger. Pala napenda kukupepeta tu. Aidons ces gens. Tusaidia watu. Avec de bons conseils. Na ushauri wa mzuri. Les conseils extérieurs. Ushauri ya inje. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu. Ndio maana Biblia nasema mkitabu ya Matayo. Une famille divisée en elle-même. Ile jamaa inayogawanika katikati yao. Une maison. Wakati nyumba. Est une porte ouverte à la souffrance et à la mort. Inakuwa ni mlango inafunguka kwa mateso na kifo. Refusez tout ce qui peut vous diviser. Kataleni biote taleta ugawanisho katikati yenu. Si quelqu'un te vient avec un conseil, kama mtu anakuja kwako na ushauri, diviser avec ta femme, na misemo juu ya kubenga mke wako. Déjà, ce n'est pas un bon conseil. Pale ule mtu anamshauri mzuri. Parce que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Mungu atupatia huduma ya kupatanisha watu. Il y a des dégâts. Kuko maasara tatizo mingi. La langue aka ulimi a créé des dégâts plus que la bombe nucléaire. Ishakuleta asara mingi shinja na kapata mkubwa kabisa. Je nous exhorte. Tunajisubutisha wote. Frères et sœurs. Nduko na dada. Dans nos foyers, dans nos familles. Mu majamala yetu, mu jamii wetu. Attention aux conseils extérieur. Tu fungule macho kabisa na kushikia maushauri wa nje. Tu as vu. Uliona. Entendu. Ulishikia. Bon, quand tu vas lui dire. Wakati utaniambia hiyo. C'est pour bâtir. Njoo ya kujenga. Ou c'est pour détruire. Wala njoo ya kupomona. Si tu as des conseils à donner, donne-lui là. Kama kuna maushauri, uiletee kule. Nous bénissons les mariages chrétiens. Tukona bariki mandoa kwa Kristo. Vous savez, les mariages chrétiens ils connaissent beaucoup de problèmes. Yukona matatizo mingi. L'État n'est pas la solution. Serikali haina njo iko na jibu. Pourquoi? Juu ya nini? Quand on nous unit à la commune ou à la mairie. Wakati bado tuunganisha ku commune wala ku mairie. Regardez ce que le monde fait. Le monde n'est pas correct. Le même monde qui nous unit, vous signez, vous vous faites des bisous, des embrassements. Juste à côté, on vous présente une procédure de divorce. On vous présente les deux choses au même moment. Voici le mariage. Voici comment tu vas divorcer. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que le mambo tu es chimaïde? Mais Dieu, alakini Mungu, il vous dit, vous êtes unis yana miambia, munaunganishwa pour le meilleur juu, wakati ya mzuri, et pour le pire na wakati ya mubaya, jusqu'à ce que paka pale, la mort vous sépare. Kifo itoze ba, kabula. Nos émotions, Dieu reste tranquille. Yetu, nos règlements, nos lois, Dieu reste tranquille. Yetu, wala, mipango yetu, parce que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas sur la terre. Frère, Dieu n'habite pas l'Ikasi. Dieu n'est pas congolais. Mungu, hana mkongomani ya Dieu n'est pas français. Mungu, hana mtu wa Dieu n'est pas américain. Wala, Mungu, hana américain. Dieu est Dieu. Mungu, anabakia sawa sawa. Dieu et Dieu. Mungu anabakia sawa sawa Mungu. Revenons aux fondamentaux de la parole de Dieu. Turudie kumisingi ya neno la Mungu. Je le dis pour ceux qui se marient aujourd'hui. Ninaisema kwa wale wanaoana leo. Et je le dis pour nous tous. Na naisema tena kwa ajili ya faida sisi zote. Mweye bakapeleka makelele mumandoa ya bantu. Vous qui amenez des troubles dans le foyer des autres. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Mukutane na Mungu. En tout cas, croisez-vous avec Dieu. Donc, auna tuna bia kusema. Donc, tu n'as rien d'autre à dire. Auna na conseil. Tu n'as même pas un conseil à donner. Alors, fais un exercice. Quand on a fait kushimanga. Commence à faire des exercices. Dès que tu commences à dire. Non, là, dis que non, laisse que je puisse prier pour toi. Tu pries seulement et puis vous vous séparez. Ça va beaucoup t'aider. Je le savais que ce mariage, en tout cas, ne fera pas long chemin. Le monde regarde. Attends toujours l'échec. Heureusement que Dieu regarde. Ah, il croit en la réussite. Et ce matin, moi je crois en la réussite de ce mariage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les deux ici sont les enfants de l'église. JPC. Ils sont devenu serviteur de Dieu. Même Ekodim, Chati, j'ai connu. Même Crispin. Donc Crispin m'interprète de temps en temps. Crispin, mara minga on intafsiri apa yula mibara. Kisha, pala na penda, ndak badi. Ma penda na badi rishaka de toutes les façons. Tu ne peux pas aimer une fille et garder les mêmes allures. Non. Il y a, les dames ont une puissance de modification des allures. Et je vois que Crispin s'en modifie déjà. Et encourageons-les. Encourageons-les avec de bons conseils. Nous sommes témoins aujourd'hui de ce mariage. Et que Dieu vous voit. Quand ce mariage aura des problèmes, aidez-les à réussir. Ne venez pas na biloba loba. Mungu akuishi bantu babubu bakushimangana. Que Dieu puisse faire taire les gens là qui amènent de mauvais conseils. Tukwe bantu baku construire bakujenga. Soyez les gens là qui donnent de bons conseils pour que soit construit. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. OK, nous voulons bénir. Tunapenda kubariki ndoa. Pendant que nous prions d'abord. Pour recommander cette partie, la chorale. Maintenant, nous allons travailler avec la chorale. Que Dieu vous bénisse. Nous recommandons ce moment entre les mains de Dieu. Maintenant, que Dieu nous fasse grâce pour cette bénédiction. Pour nous chanter quelque chose. Solo la ngaya motel.

Alléluia. Nous voulons maintenant passer à la bénédiction nuptiale. Que Dieu vous bénisse. Je voulais d'abord recevoir les familles qui sont là. Je demande à la famille du frère Crispin, si elle est là, elle peut se lever. Nous voulons l'accueillir dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette famille? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je demande à la famille de la sœur Chati, si elle est là, la famille peut se lever aussi. Nous voulons. Est-ce qu'on peut les accueillir aussi dans la maison de Dieu? Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse et vous asseoir. Amen. Amen. Papa et maman du frère Christin, Crispin peuvent s'élever. Baba, na mama, wanduko Crispin, mendo si mama. Nous voulons poser une question. Vous par oui ou par non. Acceptez-vous aujourd'hui devant le Seigneur Dieu, devant le serviteur de Dieu et devant l'Église, que votre fils Crispin Monga prenne en mariage la sœur Chati. Dada Chati. Oui, nous acceptons. Oui. Alléluia. On acclame le Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir. Nous demandons à la famille de la sœur Chati de se lever. Les parents de la sœur. Zaidi Bazazi. Mais là, j'ai deux questions à poser. Pas une question, mais deux. La première question. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le frère Crispin a versé toute la dot? Oui, en tout cas, il a tout donné, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia! C'est le droit de la famille de manger la dot. C'est le devoir de Crispin de montrer qu'il est capable de se marier en donnant la dot. C'est la protection de sa progéniture en se libérant du droit de la dot. C'est pourquoi j'exige toujours, si la dot n'est pas terminée, je ne bénis pas le mariage. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de problèmes à ce sujet. J'ai entendu des choses que je n'avais jamais étudiées. On m'a déjà demandé un jour, à ce moment-là, Aowe Mufu. Parce que l'homme n'avait jamais donné la dot. Et il a eu 9, 8 enfants comme ça. Alors, je ne m'aimerais plus revenir dans ces choses-là. Deuxième question. Acceptez-vous aujourd'hui devant le Seigneur Dieu, devant le serviteur de Dieu, devant l'église que votre fille Chati soit prise en mariage par le frère Crispin. Oui, nous l'acceptons. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je pose la question à l'assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui trouve un inconvénient pour que ce mariage soit béni? Et il va nous le faire connaître. Je donne 30 secondes à l'assemblée. Si tu es là, tu ne veux pas de ce mariage, tu lèves ta main. Puisqu'il n'y a personne, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le parrain et la marraine vont s'élever aussi. À partir de ce mariage, j'ai résolu dans l'église de commencer à faire ça. Et que les parrains doivent prendre l'engagement devant Dieu d'accompagner ce couple dans toutes les situations de leur vie. Donnez-leur le micro. Tenez-vous la main, parrain. Ok, vous allez répéter avec moi. Je prends l'engagement solennel devant Dieu, devant les serviteurs de Dieu et devant l'Église d'accompagner ce couple dans toutes les situations de leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour les parrains. Alléluia. C'est important ce que nous faisons. Parfois, il y a des situations qui deviennent même difficiles pour les parrains. Mais nous devons le faire. Ok, Chati et Crispin vont maintenant se lever. Mettez-vous debout. Je pose la question à Crispin. Les parents ont répondu. L'assemblée a répondu. Les parrains ont répondu. Maintenant toi-même. Es-tu d'accord aujourd'hui? Devant Dieu. Devant les serviteurs de Dieu, devant l'église, de prendre la sœur Chati comme épouse dans ta vie et femme et de la protéger, de veiller sur elle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le consens. Sœur Chati, Dada Chati, tes parents ont répondu. Wazazi, besa kujibu. L'église, il n'y a personne. Les parrains ont accepté. Nous voulons nous rassurer que ce n'est pas un mariage forcé. Alors voici la question. Prends-tu l'engagement ce matin devant Dieu, devant le serviteur de Dieu, devant l'église, d'accepter et de prendre Crispin comme époux et mari, d'être avec lui toute ta vie jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le consens. Parle à haute voix. Oui, je le consens. On acclame très fort. Alléluia. Ok. Puisqu'il n'y a plus d'objections, toutes les catégories, nous sommes d'accord. Alors nous voulons les bénir. Ils vont se mettre à genoux. Non, un instant. Restez d'abord debout, je bénis les alliances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je bénis ces alliances, symbole du mariage de Crispin et de Châti. Je les sanctifie. Je proclame la vie de Dieu dans ces alliances. Chaque fois qu'ils se rappelleront, chaque fois qu'ils verront ces alliances, qu'ils se rappellent de ce jour et de leur engagement devant le Seigneur, je les sanctifie au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, l'alliance de... Donne ta main gauche. Aujourd'hui, devant les trônes des grâces, je me tiens le cœur rempli de reconnaissance car Dieu m'a confié un trésor. Toi, autrefois appelé Mbayo Ngalula Châti, mais désormais appelé Monga Mbayo Châti. Alléluia. Je promets de t'aimer avec patience, comme l'amour le définit dans 1 Corinthiens chapitre 13, sans condition, sans égoïsme. Je marcherai avec toi dans la foi et la vérité, main dans la main, même quand les saisons changeront. Je m'engage à prier pour toi, à prier avec toi, à faire de notre maison un sanctuaire où Christ sera toujours le fondement et la paix, notre héritage au quotidien. Je te promets d'être ton soutien, ton épaule dans les larmes, ton rire dans la joie, chaque jour de ma vie. Dans les moments de bonheur comme dans les moments difficiles, que Dieu m'aide à t'aimer chaque jour. Alléluia. Comme il m'a aimé le premier. À toi pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Quelle déclaration. Alléluia. Crispin s'est dit, bon, lire tout ça c'est compliqué, je parle seulement. Amen. Amen. Ah, c'est bien, il faut maintenir cette chaleur, mon ami. Amen. C'est possible. Oui. Crespin. Ici, c'est toi. Mon ami, mon confident, mon petit papa d'amour, mon ingénieur, mon trésor précieux. Je sais que nous n'avons pas connu des jours trop faciles pendant nos fiançailles, ni pendant les moments de nos préparatifs de mariage. Mais le Dieu en qui nous plaçons notre foi, notre confiance, nous a soutenus et il a fait qu'aujourd'hui, devant son serviteur, qui est notre père spirituel, le pasteur Moukosh Mbaye Désiré, devant tes parents, mes parents, nos amis, l'Assemblée chrétienne, il nous a honorés, il nous a bénis et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pourquoi je te promets d'être toujours cette femme-là, confiante, souriante, et de te rendre heureuse tous les jours de ta vie. Je te promets la soumission, le véritable amour, et je te promets de vivre avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime. Amen. Alléluia. Alléluia. Tenez-vous dans la main. Crispin et Chati. En vertu du pouvoir que le ministère pastoral me confère, et après vous avoir entendu, vous deux ainsi que les familles, maintenant, au nom puissant de Jésus, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Munashikia abasome banasema. Non pas. Kisha wewe uko na makonsei yako useme. Viendra mena avec tes conseils extérieurs. Non. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide tant. Alléluia. Amen. Ok, maintenant, puisque vous êtes maintenant mari et femme, Crispin, tu peux t'approcher. Ok, avance encore que la robe ne soit pas un obstacle. Voilà. Alléluia. Maintenant, tu vas dévoiler ta femme. Prends tout ton temps, c'est ton jour aujourd'hui. Commence à enlever le voile. Soutenez-les là, quand les gens enlèvent le voile, là, vous les soutenez. Il prend tout son temps, on n'est pas pressé, mon cher. Voilà, Kata. Tu es bon, tu es bon, tu Arranger très bien le voile parce qu'il doit vérifier si c'est sa femme. Ok, vérifie d'abord, regarde les oreilles, regarde bien si c'est elle. Si on ne s'est pas trompé, vérifie. C'est elle. C'est Chati. C'est elle. Ok, puisque c'est elle, vas-y alors. Karibu sasa. Alléluia. Jésus, tu m'as fait tellement du bien. Alléluia. Tu m'as fait tellement du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? On acclame le Seigneur. Protocole. Venez travailler, venez travailler. Ok. Ils vont en reposition les chaises. Pendant qu'on on va aller vite, je vais donner les certificats de mariage. Et le cadeau que je donne toujours à tous les couples. Le certificat est ainsi libellé. Certificat de mariage. Je sous-signe révérend Mbaye Moukoche Désiré, pasteur, certifie que le frère Mutombo Monga Crispin, né à Kolwezi le 28 août, fils de papa Jean-Albert Kazadi et de maman Guylaine Mwemampanga, et la sœur Mbayo Ngalula Chati, née à Likasi le 28 juin, fille de papa Augustin Mbayo Kongolo et de maman Béatrice Kazadi, se sont unis devant Dieu et devant les hommes par le lien sacré de mariage chrétien, conformément aux Écritures saintes. Parrainé par le couple Serge Chimwanga et maman Mélanie Faïla. La bénédiction nuptiale a eu lieu à l'église Source Féconde le 10 août 2025 dans notre paroisse. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons. Alors, nous donnons les certificats de mariage. Et nous donnons la Bible comme cadeau que nous donnons. Crispin et Chati, que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent dans votre mariage. Vivez heureux et soyez bénis, couple Désiré et Elvire Mbaye. Voilà notre cadeau que nous donnons. Parce que nous croyons que tout est dans la parole de Dieu. Alors nous donnons les cadeaux. Nous signons dans les livres d'or. Et après, nous donnons les offrandes pour bénir le couple. Et nous nous séparons. Et nous allons permettre que le couple sorte d'abord avant de nous séparer. Alors, à ce moment-là, la chorale prend maintenant le lead pendant tout ce temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ta grâce, ta miséricorde. Tu as tout accompli à la croix, car tu nous aimes. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu as déjà ton vrai. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu en as assez fait. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oui, ils vont signer dans le livre d'or, la chorale. Allez.

que tu pensais que c'est le mariage, c'était la fin. Après, tu dis, la vie continue. C'est comme ça que depuis que je suis pasteur, j'ai résolu que l'offrande du mariage soit quand même, puisse aussi aider les couples. Je profite de l'occasion pour dire, quand on est dans le bangaré après le mariage, on va prêcher avec sucré. Si vous allez le visiter après le mariage, vous allez prêcher avec quelque chose. Il ne faut pas aller rien que consommer là chez eux. Il faut leur amener quelque chose. Je vous dis la vérité parce que j'ai failli. Ok, je ne veux pas que mes enfants connaissent les problèmes que j'ai eu. Alors, nous allons offrir. Et dès que nous terminons toute l'église, les mamans de l'église vont offrir et l'éducation chrétienne. D'abord, le protocole, aidez-nous très rapidement à faire les offrandes. La chorale nous accompagne avec un bon cantique. Protocole, aidez-nous déjà. J'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai crié à mon papa. Il ne m'a pas été indifférent à ma détresse. Il ne m'a pas pardonné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a tendu la main. Il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main. M'a sorti de cette faute, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh non, oh non. Que nous avons l'habitude dans l'église quand un enfant se marie, les mamans se mobilisent pour faire un geste pour le couple. Ce que nous allons laisser place pour que les mamans apportent leur cadeau. La chorale accompagne pendant que les mamans, si elles peuvent faire vite, ce serait aussi une bénédiction pour nous tous. Kiti Samoto, Département de l'éducation chrétienne, rapidement, là où Crispin et Chati étaient, rapidement, gagnons le temps. Rapidement, time is over, rapidement. Aïe, tu peux pousser le cri de joie pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et en même temps, on peut se tenir debout. On se tient debout, nous sommes à la fin. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Pour votre patience et pour votre amour pour ce jeune couple que nous allons accompagner. Nous allons sortir en ordre. C'est leur jour. Nous laissons le couple sortir. Suivi des parents. Suivi du pasteur. Suivi des parents. Précédé par. Comment vous appelez? Les cavaliers. Cavalier. Et la chorale va nous accompagner. Kisha. Nous prions d'abord. Seigneur, merci. Que l'homme ne sépare pas ce que tu as uni aujourd'hui. Je recommande ce couple entre tes mains. Merci parce qu'il y a des grâces liées à leur position. Que ces grâces se manifestent. Je bénis l'Église, les frères et les sœurs, pour leur amour, pour t'honorer et honorer ta parole. Maintenant que nous arrivons à la fin, bénis la semaine qui commence. Bénis nos activités, dans nos maisons, dans nos vies. Bénis la santé de chacun. Que ta grâce soit avec nous. Je viens t'élever et je viens t'adorer. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons amen et nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Attendons que le couple sorte, la chorale, que le couple sorte et puis nous allons suivre. Napenda, napenda, ila kisu koko mimi napenda, napenda, oh.